Les rassemblements de masse ont eu lieu le 17, respectivement dans les provinces du Zhejiang, du Hamgyong du Sud et du Liangang, pour célébrer le 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Y ont pris part les cadres, travailleurs, jeunes étudiants des organismes locaux du parti, du pouvoir, de l'économie, des organisations des travailleurs, des usines, des entreprises, des fermes et des écoles supérieures. Les orateurs ont dit que l'élection du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée à son 7e congrès est l'expression de la fidélité noble et de la confiance absolue de tous les militaires et civils envers lui et un grand événement heureux révolutionnaire assurant l'éternité du parti et de la révolution de la patrie et de la nation. Ils ont fait remarquer qu'à travers le 7e congrès du parti, le caractère révolutionnaire et l'invincibilité du Parti du Travail de Corée, organisation politique du Tse, sont manifestés sans réserve et que la puissance politique et idéologique du rang révolutionnaire unie autour du parti et du leader a été démontrée une fois de plus. Ils ont invité tous les cadres, militants du parti et autres travailleurs, à mener plus vigoureusement le mouvement pour la vitesse de maliement, avec le même esprit de la campagne des 70 jours, pour appliquer à fond la décision du congrès du parti. Ensuite, il y a eu les défilés de masse.